l'amour a chaviré au large de Cythère. Aphrodite sacrifiée aux âmes délétères. C'est Orphée revenu maltraité des enfers, qui aurait tant voulu Eurydice en prière. C'est la grande braderie au marché d'espérance. Quand l'amour n'est qu'un cri revenu de l'enfance. Étrange bacchanal en vos corps sarcophages. Votre offrande est vénale de désir nécrophage. D'insomniaque rancœur fertilise l'horreur. Les paumées du matin vomissent leur destin. C'est la grande braderie au marché d'espérance. Quand l'amour n'est qu'un cri revenu de l'enfance. Faudrait encore devenir berger de parole, défricheur de conscience. Il nous faudrait encore semer nos champs d'étoiles, apprivoiser la mort, voilà notre bataille. Apprivoiser la mort. Voilà notre bataille.